Chapitre 8e. Christiane était seule dans son cabinet de travail. Auprès d'elle, sur un bureau encombré de papiers, des lettres ouvertes, des rapports annotés de sa main, attestaient que sa matinée n'avait pas été oisive. Mais depuis un instant, elle s'était interrompue. Sa tête fatiguée retombait sur sa poitrine, et de ses paupières cerclées de bistre, des larmes coulaient une à une, faisant des taches brillantes sur sa robe de crêpe. 2 mois. Il y avait 2 mois que cette horrible chose était arrivée, que son petit enfant, la vie de sa vie, la chair de sa chair, on le lui arrachait, tandis que sous ses baisers, sous le souffle ardent de son cœur, elle cherchait à réchauffer ses membres raidis. Elle avait lutté, supplié, mais on n'avait pas voulu le lui rendre. Alors, debout, les bras vides, les yeux secs, elle était restée à regarder pendant qu'on le couchait dans une bière toute froide, une bière si étroite que cela semblait une ironie, en vérité, qu'on pût y ensevelir toutes les joies et toutes les espérances d'une âme humaine. Elle avait regardé encore pendant qu'on recouvrait le petit corps de fleurs blanches à demi éclose. Comme dans un songe, elle se souvenait de s'être penchée pour placer elle-même un pâle bouton de rose entre les doigts glacés. Et après, ah, l'effort avait été trop rude. Après, elle ne savait plus rien. C'était la nuit profonde, avec un cortège de hideux cauchemars, de terrifiantes apparitions, traversées de loin en loin par la vision lumineuse d'un enfant qui semblait l'appeler et qui, au moment où elle croyait le saisir, s'évaporait sous son étreinte. Et longtemps, longtemps, elle était demeurée livrée à cette torture, jusqu'à ce qu'un jour ses yeux s'étaient rouverts, le délire avait cessé, et elle se retrouvait vivante en face de l'atroce réalité de sa douleur. Mais, faite depuis tant d'années à souffrir sans se plaindre, elle avait repris le fardeau quotidien, et ceux qui l'approchaient s'émerveillaient de ce calme surnaturel qui prêtait à son beau visage de marbre l'auréole qu'on voit au front des martyrs. Ah, c'est que, comme eux, elle en avait fini avec les agitations stériles de la terre. Elle continuait à accomplir sa tâche, mais c'était l'œil fixé en haut, n'aspirant plus qu'à l'éternelle délivrance. Il était rare qu'elle s'abandonnait aux souvenirs qui amollissaient son courage, rare qu'elle s'accordât à la volupté des larmes. Aujourd'hui, comme irritée contre elle-même de cet accès de faiblesse, elle relève la tête d'un mouvement résolu. Elle essuie ses joues blêmies et, se retournant vers son bureau, presse un timbre placé à côté d'elle. Un chambellan se présente. « Le duc de Leuven est-il venu ? Il attend les ordres de votre majesté. Veuillez, je vous prie, le faire entrer. » Un instant après, Olaf s'inclinait devant la reine. Ce n'était plus le beau et insouciant garçon qui, une année plus tôt, souriait à l'existence, l'envisageait au travers d'un prisme d'or. Chez lui aussi, la souffrance avait fait son œuvre. Quelques rides creusaient son front, quelques fils d'argent striaient sa chevelure blonde, mais c'était surtout dans l'expression du visage que s'accusait le changement, une expression idéale, révélant les combats soutenus, la victoire remportée. Lorsqu'il avait reparu à la cour, de longs mois après la fuite de Ludmi, tous s'étaient étonnés de cette transformation. Les indifférents en plaisantaient. « Avez-vous vu le duc ? Comme les déceptions lui réussissent. Il n'a jamais été si beau. » D'autres, plus perspicaces, se sentaient émus de pitié. Faut-il qu'il ait souffert pour avoir ce regard, pour avoir ce sourire ? Christiane lui tendit la main en l'invitant à s'asseoir. « Je vous ai fait appeler mon cousin, parce qu'une fois encore j'ai besoin que vous nous veniez en aide. En toutes circonstances, je sais que je puis compter sur votre dévouement. Et cependant, le service que je vais réclamer de vous est tel que j'hésite. Je me demande si la raison d'état même m'autorise à vous imposer une pareille épreuve. » Olaf fut un sourire mélancolique. « Votre Majesté peut tout exiger de moi sans crainte, » dit-il. « L'apprentissage de la vie prouve qu'il y a peu d'épreuves qui soient au-dessus de nos forces. »« Il est vrai, » dit la reine en étouffant un soupir. « Vous me pardonnerez, Olaf, si je ravive en vous une blessure qui saigne encore. Il est nécessaire que je vous parle avec une absolue franchise, que j'aborde un sujet douloureux. Si je me suis tue jusqu'ici, c'est que l'amitié a ses pudeurs. C'est qu'en face de certaines tristesses, le silence vaut mieux. Mais, croyez-le, mon cœur à partager toutes les amertumes du vôtre. » De nouveau, elle lui tendit la main, il la porta à ses lèvres. « Merci, » dit-il simplement. « Oui, » reprit Christiane, comme répondant à une pensée intime. « Oui, de pareilles désillusions brisent tous les ressorts de l'âme. Ne plus croire à l'amour, est-ce bien le plus dur ? N'en avons-nous pas tous douté à un moment ? Mais ne plus croire à l'amitié, c'est là ce qui fait mal. Et vous aimiez le prince Évald, vous croyez en lui. Ah, que vous avez dû souffrir quand le mirage s'est dissipé et que vous l'avez vu tel qu'il est, un séducteur vulgaire, oublieux de son honneur, traître à ses engagements. » Un éclair de mépris passa dans son regard, puis, comme honteuse de cette véhémence inusitée, elle poursuivit en se contenant. « C'est pourtant devant cet homme que nous devons courber la tête. C'est à lui que, dans notre détresse, nous devons recourir. Pour me résoudre à une semblable extrémité, j'ai dû me convaincre, n'est-ce pas, que ce moyen est le seul qui nous reste. Mais vous le savez mieux que personne. La résistance nous conduit aux abîmes. Le peuple ne nous obéira que le jour où une autre voix que la nôtre lui enjoindra de se soumettre. Oui, il faut subir cette humiliation. Il faut que, sur notre prière, le prince Évald revienne. » Ses mains se tordirent d'un mouvement convulsif. « Vous voyez maintenant ce que je sollicite de vous. Une tentative de rapprochement doit être faite. C'est vous seul qui pouvez l'entreprendre. « Moi ? » exclama le duc. « Moi, mon Dieu, mais comment le pourrais-je ? Votre Majesté ne songe-t-elle pas à toutes les cruelles raisons qui m'interdisent, à moi plus qu'à un autre, de paraître devant le prince ?»« J'ai songé à tout, » répondit vivement la reine. « J'ai songé même... Ah, tenez, laissez-moi tout dire, sans détour, sans réticence. J'ai songé que votre mission ne se bornerait pas à ramener Évald, qu'il vous appartiendrait, au prix de quel déchirement je ne l'ignore pas. Mais enfin, qu'il vous appartiendrait d'arracher à son égarement la malheureuse enfant que j'ai tant aimée, que j'aime tant encore, en dépit de sa faute. Tout la condamne, mais au-dedans de moi, une voix plaide pour elle. Quelque chose me dit qu'elle est restée grande et noble malgré sa chute. Que tôt ou tard, le remords la trouvera docile. Peut-être, a-t-il parlé déjà ? Peut-être, voudrait-elle rompre ses attaches funestes ? Qui sait, si le langage d'un ami ne lui en donnerait pas la force ? Ah, la sauver, dites-moi, n'est-ce pas une tâche enviable ? Ne seriez-vous pas moins malheureux s'il vous était donné de la rendre à elle-même ? Les traits d'Olaf se colorèrent d'une faible rougeur. « Oui, » murmura-t-il, « la sauver, la soustraire à cette vie coupable, oui. C'est aujourd'hui le seul désir passionné qui me reste. »« Mon cœur ne me trompait pas, » dit la reine, « je savais que vous comprendriez. Notre horizon est bien sombre, mais tout n'est pas perdu, puisque vous êtes avec nous. » Elle se leva. « Quand pouvez-vous partir ? » demanda-t-elle. « Quand votre majesté l'ordonnera ? » ?»« Tout de suite alors. Le roi vous remettra une lettre pour son frère. Que Dieu vous accompagne, mon cousin. » Le soir même, le duc quittait la résidence. Il avait accepté cette mission héroïque sans se demander s'il aurait la force de la remplir. Et maintenant, il allait comme poussé par quelque puissance aveugle, quelque volonté étrangère à la sienne. Il sentait vaguement qu'au terme de ce voyage, il se trouverait vis-à-vis de l'homme qui avait détruit son bonheur, de la femme qui avait brisé sa vie. Mais dans la confusion de son cerveau, il réalisait à peine combien cette torture était proche. Ce fut à Naples seulement qu'il revint à la réalité des choses. Alors, les difficultés d'exécution s'imposèrent à son esprit. Il ne s'en était pas préoccupé jusque-là. Sachant qu'Ebal se cachait à Sorrente sous un nom supposé, et se disant que, leur venue, il inventerait bien un moyen d'arriver jusqu'à lui. Mais au moment d'agir, le moyen lui parut moins simple. Comment s'introduire dans une retraite interdite à tous ? Comment aborder le prince par surprise ? C'était la seule manière, pourtant. Une misérable question d'étiquette ne pouvait l'arrêter. Il fallait ne pas avertir Évald et se présenter devant lui à l'improviste, au risque d'encourir sa colère. Le hasard le servit. À la grille du palais, qu'il eut peu de peine à découvrir, il se trouva tout à coup en face d'Ewald qui sortait seul. Mais au lieu de colère, ce fut une joie émue qui se peignit sur la physionomie du prince. « Vous, ici, Olaf, vous, mon ami, comme je suis heureux !» Il lui avait pris les mains, sans que le duc puisse s'en défendre, et les serrer avec affection, laissant deviner, peut-être, par la cordialité de son accueil, le regret d'un passé que la présence du compagnon d'autrefois évoquait puissamment devant lui. L'attitude contrainte du duc glaça sur ses lèvres ses paroles de bienvenue. « J'aurai à entretenir votre Altesse de questions sérieuses, » dit froidement Olaf, « de questions dont l'importance seule explique la singularité de ma démarche. Le prince voudra-t-il m'accorder une heure de conversation ?»« Je suis à vos ordres, » dit Ewald, avec une dignité très douce. En silence, il précéda le duc dans la direction du palais. Son ardeur joyeuse était tombée, mais il n'en voulait pas à Olaf. Au fait, n'était-ce pas justice ? Quelle présomption d'avoir pu imaginer que l'amitié des anciens jours existait encore. Il le conduisit, à travers une enfilade de salons, jusqu'à une petite pièce au mur tapissé de livres et dont les fenêtres ouvertes, encadrées de rosiers grimpants, laissaient pénétrer les brises rafraîchissantes de la mer. Posés un peu partout, des vases remplis de fleurs attestaient la présence et les soins d'une femme. Les yeux d'Olaf s'arrêtèrent sur une touffe de campanules bleues, encore humide de rosée, et il pâlit involontairement. Les clochettes de Hans Heiligenfels. « Je dois supposer, » dit Ewald en lui indiquant un siège et en s'asseyant lui-même devant sa table de travail, « je dois supposer, d'après vos paroles, que vous n'êtes pas venu ici de votre propre mouvement. Je le regrette. J'avoue qu'une démarche spontanée m'eût été d'un grand prix. » La gravité des événements fait disparaître les questions de personne, monseigneur, répondit Olaf. Cette lettre renseignera votre Altesse sur le but de mon voyage. Il présenta la lettre du roi à Ewald. Celui-ci l'ouvrit et la lut lentement. Le froncement de son sourcil s'accentua à mesure qu'il avançait. La lecture achevée, il froissa le papier avec irritation. C'est bien ce que je redoutais, dit-il amèrement. Ils ont entassé faute sur faute et maintenant que le navire fait haut de toutes parts, il voudrait qu'un autre opéra le sauvetage. En vérité, il présume trop de mes forces. Plût à Dieu que je susse accomplir des miracles. » Pour la première fois, l'expression sévère du duc s'adoucit. Il restait donc encore une étincelle sacrée dans le cœur d'Ewald. En face de ses ennemis désarmés, implorant son secours, il paraissait plus malheureux que triomphant. Ce qu'il voyait, c'est que le royaume agonisait. C'est qu'Éric et Christiane allaient sombrer dans le gouffre. Que lui importait d'avoir été bon prophète? Il ne cherchait guère à répartir les responsabilités, il ne sentait qu'une chose, l'irréparable de la situation. C'était là qu'Olaf devinait en lui ce qui le disposait à l'indulgence. « Le mal est grand, sans doute, » dit-il. « En quelques mois, il a fait d'effrayants progrès, mais vous êtes le seul, monseigneur, dont la voix est encore assez d'autorité pour commander un peuple qui semble pris de vertige. Et, tel que je vous ai connu, vous renoncerez à une abstention déplorable pour tous. Vos griefs personnels ne pèseront pas dans la balance. Vous serez fidèle à la grande idée qui a été la religion de toute votre jeunesse. Régénérer une patrie qui est la vôtre, sauver un peuple que dans un avenir probable vous serez appelé à gouverner. » Ewald protesta d'un geste. « Eh bien non, non, s'écria-t-il, non. L'expérience est là pour attester que je ne puis rien. L'heure n'est pas aux récriminations, mais je vous le demande, Olaf. Quand donc mes conseils ont-ils été écoutés? Quand ai-je pu faire prévaloir ma politique? Dans l'affolement de la peur, ils ont recours à moi. Ils souscrivent d'avance à toutes mes conditions. Combien pensez-vous que cet élan durerait? Dès que les choses iraient un peu moins mal, l'optimisme d'Éric, l'opposition de la reine reprendrait le dessus, et les divergences se produiraient à nouveau, et le pays tiraillé en tous sens, ne sachant que croire, à qui se fier, serait plus malheureux encore qu'il ne l'est. Non, croyez-moi, je les servirais mieux en me tenant à l'écart. N'est-ce pas du reste ce qu'ils ont voulu? Quelle manœuvre n'ont-ils pas employé pour me contraindre à l'exil? Ils ont réussi. Ils ont supprimé le ferment de discorde. Maintenant, ils voudraient détruire leur ouvrage, faire renaître le danger. Quelle folie est donc la leur ? Il parlait d'un ton vibrant, par phrases saccadées. On eût dit qu'il cherchait à se persuader lui-même, plus encore qu'à persuader son interlocuteur. « Voyons, Olaf, vous qui jugez impartialement, convenez que je suis dans le vrai. »« Je puis vous répondre d'un mot, monseigneur. Serais-je ici ? Aurais-je accepté de paraître devant vous, si je n'étais fermement convaincu que votre retour est indispensable ?»« Vous voulez me démontrer le contraire. Ah, permettez-moi de vous le dire, vous n'êtes pas de bonne foi. » Au fond de votre conscience, une voix vous dit que l'on ne mesure pas le devoir au succès, que dans la mêlée, on n'escompte pas d'avance la victoire. Le chef d'armée résiste jusqu'au bout, désespérément, quand même il sent que tout est perdu. Heureusement, monseigneur, nous n'en sommes pas là. Il y a encore des ressources, encore des efforts à tenter. Abandonnerez-vous le combat par la crainte pusillanime de ne pas vaincre ? Vous ne voulez pas m'entendre ? Fit Ewald avec violence. « Suis-je donc le chef et puis-je triompher dans une lutte que je ne dirige pas ? Je vous le répète, interrogez le passé, citez-moi une circonstance, une seule, dans laquelle mon intervention n'a pas entraîné des conséquences fâcheuses. La reine, elle, qui sous l'empire de je ne sais quel revirement inexplicable vous a envoyé à moi, la reine, vous dira que cette intervention qu'elle sollicite a toujours été nuisible. Ah, sans doute ! Si elle avait voulu, si l'accord avait pu se faire, bien des malheurs eussent été évités. Mais il est trop tard. N'en parlons plus, Olaf. Ma résolution est prise. Il s'est élevé et se promenait avec agitation de long en large. Le duc, debout devant la cheminée, reprit la parole. Je ne saurais emporter votre décision comme définitive, monseigneur. Vous réfléchirez. Vous écarterez vous-même les sophismes qui ne sauraient égarer longtemps la rectitude d'un jugement tel que le vôtre. De nouvelles instances de ma part seraient superflues. J'attends tout de vous-même. Mon parti est irrévocable, protesta Ewald. Mais j'eusse été heureux de vous revoir. Je ne puis me figurer, bien que votre manière d'être me le prouve trop, je ne puis croire qu'il ne subsiste rien de notre ancienne amitié. Ah, je sais, les apparences sont contre moi. Je mérite peut-être d'être sévèrement jugé, et pourtant, si je pouvais tout vous dire... Enfin, vous me laisserez aller vous trouver, n'est-ce pas ? Je vous expliquerai bien des choses. Vous comprendrez, vous pardonnerez. Je n'ai pas d'explication à attendre de vous, monseigneur, dit Olaf avec un pâle sourire. Je n'ai pas de pardon à vous accorder. Mais je resterai quelques jours à Naples parce que je crois... Parce que je suis sûr que vous ne persisterez pas dans votre refus de tout à l'heure, que je pourrai rapporter au roi et à la reine une réponse conforme à leurs désirs. » Tout en parlant, il avait retiré une carte de son portefeuille et y traçait quelques mots au crayon. « Voici l'adresse où votre Altesse pourra me communiquer sa décision, » dit-il en posant la carte sur le bureau. « Fasse le ciel qu'elle soit favorable. » Le prince secoua la tête. « C'est donc un adieu définitif, dit-il tristement. Je ne me rétracterai pas. » Il accompagna le duc jusqu'à la porte sans lui tendre la main cette fois. Olaf s'inclina devant lui. « J'ai l'espoir, monseigneur, que vous reviendrez sur cette parole. » Le soleil était bas à l'horizon lorsque le duc de Leuven rentra à Naples. Il revenait attristé, sachant que le plus douloureux restait à accomplir. Comme il l'avait dit au prince, celui-ci ne croyait pas lui-même aux raisons qu'il avait alléguées. Au fond de sa résistance se démêlait une impatience secrète de l'inaction à laquelle il s'était condamné. Que la liberté qu'il n'osait ressaisir lui fût rendue. Et avec quelle ardeur ne rentrerait-il pas sur la scène politique ? Combien peu alors pèseraient ses scrupules, la crainte d'aggraver des maux qu'on lui demandait de guérir ? Oui, il suffisait que Ludmy parlât. Ah, cette femme déchue aux yeux de tous, comme Olaf la mettait au-dessus des autres pour savoir d'avance qu'elle parlerait, pour être sûr qu'elle ne s'indignerait pas lorsqu'il la supplierait de prononcer cette parole décisive. Une nature moins élevée que celle de Ludmy l'accuserait de venir lui voler son bonheur, verrait dans sa démarche je ne sais quelle représailles indigne, quelle vengeance mal déguisée. Mais elle, si droite, si étrangère à tout soupçon avilissant, Oh, elle ne s'y tromperait pas. Elle saurait apprécier ses motifs sans qu'il ait besoin de les justifier. Entre leurs deux âmes, il n'y avait à redouter aucun malentendu. Il songeait à cela pendant la longue soirée qu'il passait dans son banal salon d'hôtel, lorsqu'un coup léger frappé à la porte vint l'interrompre. Une lettre pour monsieur le duc. Il se souleva avec surprise. Ewald se serait-il déjà ravisé? Mais son regard tomba sur l'enveloppe et un tremblement le saisit. Il avait reconnu l'écriture de Ludmi. D'une main fiévreuse, il brisa le cachet. La lettre ne contenait que peu de mots. « Je sais ce qu'il vous en coûtera de me revoir, mais il est utile que je vous parle. Ne refusez pas de venir me trouver. Je vous attendrai demain à 2 heures. L. de Helt. » C'était tout. Quelques lignes tracées posément de ces caractères fermes et réguliers qui faisaient dire à la cour, par ceux qui se mêlaient d'interpréter les écritures, que chez la comtesse de Helt, la volonté et la raison domineraient toujours les entraînements du cœur. Mon Dieu, comme le pronostic avait été cruellement démenti. Que restait-il de cette raison, de cette volonté? Un souffle de passion l'avait traversée et elle allait à la dérive, emportée par le grand courant qui ne se remonte pas. Pauvre petite Ludmi. Le lendemain, à l'heure indiquée, le duc arrivait à Sorrente et se présentait au palais. Un valet de pied le reçut au bas du perron. Madame est dans la charmille, c'est là que j'ai ordre de conduire, monsieur le duc. Olaf suivit sans répondre. Un malaise s'était emparé de lui en entendant le mot de madame prononcé par cet homme. À la cour, Ludmi était pour les inférieurs mademoiselle la comtesse. Ici, on l'affublait d'un titre de femme mariée. On sauvait les convenances. Il le fallait bien, hélas. Mais à côté de cette impression pénible, il éprouvait un soulagement à ne pas se rencontrer avec elle dans le palais même, sous ce toit qu'elle partageait avec Ewald. Il reconnaissait là une délicatesse de sa pensée, le tact infaillible de son cœur. Elle lui épargnait tout froissement possible à éviter. Ah oui, malgré tout, elle était encore la même. Au détour de l'allée, il l'aperçut au seuil du berceau de verdure. Elle avait entendu le bruit de ses pas et elle l'attendait debout avec une apparence de calme que démentait sa livide pâleur. Il s'avança jusqu'à elle et leurs yeux se rencontrèrent. Alors, pour tous deux, le présent s'évanouit. Ils oublièrent les circonstances étranges au milieu desquelles ils se revoyaient. L'abîme placé entre eux disparut et spontanément leurs mains se rejoignirent. Avant qu'ils eussent échangé une parole, ils s'étaient retrouvés. « Je vous remercie d'être venu, » dit-elle. « Je comptais sur vous. J'étais sûre que vous ne me refuseriez pas. » Elle s'assit et lui fit prendre place à côté d'elle. Un moment, elle parut se recueillir. D'un geste qui lui était familier et que le duc connaissait bien, elle repoussa en arrière les boucles qui ombrageaient son front, puis, se tournant vers Olaf, « Je sais que vous avez vu le prince, » dit-elle, et sa voix, mal assurée au début, se raffermit peu à peu. « Que vous l'avez supplié au nom du roi, au nom de la reine, de se prêter à une réconciliation que les événements rendent indispensable. Je sais aussi que le prince a résisté, et les raisons qu'il a mises en avant, ces raisons, vous n'y avez pas cru, n'est-ce pas ?» Elle l'interrogeait de son clair regard. « Non, » dit Olaf. J'ai senti que les motifs qu'il me donnait n'étaient pas les véritables. Je n'en ai été toutefois ni surpris ni découragé. Je savais que mes prières et mes représentations seraient infructueuses, que par mes propres forces, je ne pourrais rien obtenir. Mais je me suis dit que je n'étais pas seul, qu'une influence meilleure que la mienne s'exercerait, qu'une autre voix s'élèverait pour me seconder. Vous savez quelle est cette voix, quelle est cette influence? La figure de Ludmi s'illumina. « Ah ! » s'écria-t-elle, « vous n'avez pas douté de moi. Vous n'avez pas jugé ma déchéance assez profonde pour qu'elle m'ait enlevé tout sentiment d'honneur et de droiture. Soyez bénie. Vous me rendez la croix moins lourde. » Elle chassa les larmes qui obscurcissaient sa vue. « Oui, » poursuivit-elle, « vous ne vous trompiez pas en croyant que je vous aiderais à faire cesser une situation qui n'a que trop duré. Et elle cessera, je vous le jure. Je vous appelais ici pour vous en donner l'assurance. Le prince ne sait rien encore de mes résolutions. J'ai pu l'éloigner aujourd'hui. Il ignorera que vous êtes venu. Ne cherchez pas à le revoir. mais retournez auprès de la reine. Dites-lui qu'elle se rassure, que le concours du prince ne lui manquera pas. Avant peu de jours, je vous l'affirme, il sera de retour à la résidence. » Malgré lui, Olaf laissa échapper une question. « Que ferez-vous ? » balbutia-t-il. « Ne le devinez-vous pas ? » répondit-elle. « Je dirai au prince que j'avais trop présumé de mon amour, que je ne saurais me plier aux humiliations de la vie équivoque qui est la mienne. Je lui dirai que j'avais agi sous l'empire de l'exaltation, mais que l'exaltation est tombée, que l'horreur de ma faute seule me reste, et il me croira. Et quelque chose me dit qu'il ne demandera pas mieux que de me croire. Oh, je ne l'accuse pas. Il m'a aimé sincèrement et sans arrière-pensée, il m'aime encore. Mais actuellement, d'autres pensées l'absorbent, son oisiveté lui pèse. Il est tout simple qu'il ait soif de rentrer dans l'action. Voilà pourquoi, sans qu'il veuille se l'avouer à lui-même, mon abandon ne le fera pas souffrir. « Mon Dieu !» interrompit Olaf. « Mon Dieu !» Voilà donc l'hypocrite et fausse morale que nous avons créée. Vous aurez prodigué à cet homme les trésors de l'âme la plus pure qui fut jamais. Vous aurez abdiqué tout ce qui fait la force et la dignité de la femme. Vous vous serez voué un long avenir d'isolement et de remords, tandis que lui, le seul responsable, recommencera sa vie au point où il l'avait laissée, retournera au milieu de ce monde stupide qui vous tiendrait rigueur si vous cherchez à l'affronter et qui, pour lui, n'aura que des flatteries et des approbations. Ah, tenez, tout cela est monstrueux, tout cela est atroce. C'est la loi, soupira Ludmi. Je ne suis pas de celles qui jugent que le monde est trop indulgent pour l'homme, trop sévère pour la femme. Mais au-dessus du tribunal humain, il en est un autre, plus puissant, qui sonde les intentions secrètes. Celui-là admet le repentir, il absout et il purifie. Elle sourit un instant, comme si elle entrevoyait déjà l'apaisement de cette pénitence future. « Je retournerai à Felsenthal, » reprit-elle. « J'y vivrai seule, ne demandant qu'à être oubliée. Et vous, qui êtes mon ami, vous m'approuverez, vous m'encouragerez. »« Ah ! » fit le duc. « Pensez-vous que si je me révolte contre la cruauté du châtiment, je ne le préfère pas pour vous aux joies mensongères de votre existence actuelle ? Je donnerai tout mon sang pour que vous ne souffriez pas. Mais il est des souffrances moins horribles que certains bonheurs. Et si je suis ici, ce n'est pas tant, Dieu le sait, pour rappeler le prince à ses devoirs, que pour vous conjurer à main jointe de renoncer à ce bonheur inavouable. Ne sais-je pas bien que le poids d'une pareille vie vous accable et vous tue, que si vous l'avez prolongé, c'est que vous obéissiez à je ne sais quelle folle et sublime pensée d'abnégation. Ah, j'ai raison de dire que vous êtes victime plus encore que coupable. Ne me justifiez pas, dit Ludmi d'un ton ferme. Ne me cherchez pas d'excuses, je n'en ai aucune à invoquer. La société me retranchera de son sein, et c'est dans l'ordre. Je ne connaîtrai aucune des affections douces et légitimes, ce n'est que justice. Je ne voudrais pas qu'il en fût autrement. Eh bien non, dit Olaf avec désespoir. Non, ce n'est pas juste, ce n'est pas dans l'ordre. Quoi ? Vous n'avez que 20 ans et tout serait fini pour vous ? On vous honnirait, on vous montrerait au doigt ? Vous seriez sans refuge contre les mépris, sans défense contre l'outrage? Je ne veux pas. Ludmi, je ne veux pas. Laissez-moi vous soustraire à cet opprobre, à cette ignominie. Accordez-moi le droit d'être à vos côtés, de vous protéger contre les attaques infâmes et lâches auxquelles vous seriez en but. Oh, je ne vous parle pas d'amour. Ce mot-là, je le sais, ne peut plus être prononcé entre nous. Je ne veux qu'une chose, c'est que vous portiez mon nom. Dieu merci! Il est assez glorieux pour que je puisse vous le donner sans que personne songe à m'accuser de calcul honteux ou de complaisance vile. Et lorsqu'on verra que je vous respecte, tous vous respecteront. Je vous placerai si haut que l'insulte ne pourra vous atteindre. Le jour où je vous ai vu tomber, j'ai fait mon sacrifice d'être heureux, mais s'il m'est permis de vous rendre les privilèges d'une femme honnête, je n'aurai plus à me plaindre, je n'aurai pas vécu en vain. Il se tut, s'efforçant de maîtriser son agitation excessive. Dans le feu de ses paroles, il n'avait pas pris garde au mouvement suppliant de celle qui l'écoutait. Il n'avait pas entendu l'exclamation étouffée qui partait de sa bouche, mais lorsqu'enfin il s'arrêta, lorsqu'il vit la douceur éclairée de son regard, le rayonnement de son front, il crut avoir fait passer en elle sa conviction ardente. « Vous m'avez compris, Ludmi. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas ?» Elle eut un beau sourire attendri. « J'ai compris que vous êtes le plus noble, le plus généreux, le plus chevaleresque des hommes. J'ai compris que puisque Dieu m'a laissé un dévouement comme le vôtre, je n'ai pas le droit de maudire la rigueur de mon sort. Mais consentir à votre sacrifice insensé, chercher une réhabilitation impossible et vouloir l'acheter au prix de votre honneur, ah, vous n'y songez pas, c'est la pitié qui vous égare. Vous me dites que le monde me méprisera, mais ne me mépriserait-il pas mille fois davantage si je vous imposais ma disgrâce, si j'osais venir à vous le cœur, hélas, plein d'amour pour un autre? Vous dites que votre nom est si glorieux qu'aucune souillure ne peut rejaillir sur lui. Et moi, je vous réponds, qu'en vous abaissant jusqu'à moi, vous ne réussiriez pas à m'élever jusqu'à vous. Vous croyez enfin qu'il vous suffirait de vouloir pour me rendre les privilèges d'une honnête femme? Il y en a un que vous ne me rendrez jamais, celui que ma conscience me refuse, celui qui me permettrait de marcher la tête haute, sachant que tous mes actes peuvent braver le grand jour. Non, voyez-vous, on n'épouse pas les femmes comme moi, et pourtant, je voudrais vous remercier, à genoux, d'avoir pu, un instant, le juger possible. Le souvenir précieux de cette heure demeurera ineffaçable. C'est à vous que je devrais la meilleure émotion que j'ai jamais ressentie. » Elle pleurait. Olaf se pencha vers elle. « Que ce ne soit pas là votre dernier mot, Ludmi. Le temps vous prouvera que ce n'est pas l'égarement de la pitié qui dicte mes paroles. Ce que je vous dis aujourd'hui, je vous le dirai demain, je vous le dirai toujours. » Ludmi se leva. « Nous ne reviendrons jamais sur ce sujet, » fit-elle doucement, « mais vous resterez, mon ami. Je connais ma faiblesse, j'aurai de durs moments, vous ne m'abandonnerez pas. » Ses pleurs étaient séchés, la paix semblait renaître en elle. « Nous allons nous quitter, » reprit-elle. Mais partez sans inquiétude, je saurai accomplir ma promesse. Avant une semaine, je serai à Felsenthal. » Elle s'enfonça avec lui dans une avenue qui, laissant de côté le palais, aboutissait à une des sorties du jardin. Arrivée à la porte, « C'est là que nous nous séparons, » dit-elle. Olaf lui prit les mains et les baisa avec une déférence émue. « Je ne vous dis pas adieu, » murmura-t-il. « Nous nous reverrons bientôt, n'est-ce pas ?»« Oui. » répondit-elle. « Là-bas, à Felsenthal, vous serez le bienvenu. »